Cette peinture fait partie d'une série de nus féminins peints par Degas dans les années 1890. La série a été créée à une période où Degas vivait essentiellement en retrait de la vie publique et où son art était plus introspectif. Il revenait obsessionnellement vers la forme féminine, utilisant des modèles vivants, des photographies et ses propres dessins et sculptures comme autant de ressources pour travailler les poses et les gestes.